Très bonne suite de journée sur la première. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. L'exposition conçue pour le peuple suisse. Les questions brûlantes, c'est jamais le moment de les poser, pour certains. Cette semaine, l'Expo 64. On ne demande pas de renoncer à la liberté, on nous demande de se conformer. D'une ouverture d'esprit à une fermeture de principe. Qu'est-ce que c'est qu'un Suisse ? L'amnésie d'un géant nommé Gulliver. Peut-être que Gulliver est l'emmerdeur parce qu'il est trop grand dans un pays où tout le monde se révèle petit, mais enfin, il fait peur. Depuis 1953, avec l'ouverture à Genève du Centre européen de recherche nucléaire, la Suisse s'est installée dans une politique, sinon d'ouverture complète, tout au moins de participation et d'échange avec la communauté européenne naissante et balbutiante. Mais comme tout autre pays, la Suisse entend jouer de sa différence et faire entendre ses notables différences en même temps que ce qu'elle juge être un remarquable dynamisme doublé d'un sérieux sans pareil. Nous l'évoquions hier, officiellement en tout cas, l'Homo Helveticus est sérieux et infatigable et travailleur. La coopération européenne est aujourd'hui une nécessité. On cherche à s'unir sur le plan économique et même sur le plan politique. Monsieur le Président de la Confédération, en quoi consiste notre tâche dans ce domaine ? À sauvegarder notre indépendance politique tout en recherchant sans cesse de nouvelles possibilités de collaborer sur le plan scientifique, sur le plan économique, et aussi, par-delà les frontières de l'Europe, sur le plan social. Le monde est en pleine évolution. Nous subsisterons si notre esprit d'initiative reste toujours en éveil et si nous savons faire constamment notre examen de conscience en toute franchise. En pleine évolution, comment cela se manifeste-t-il? Où en sommes-nous? À répondre à cette question et dresser le bilan exact de nos possibilités, telle sera la tâche de l'exposition nationale de 1964 à Lausanne. Les travaux préparatoires sont en cours. L'aire de l'exposition comprend deux parties, la vallée du Flon et la plaine de Vidy. 140 000 mètres carrés de terrain sont gagnés sur le lac. L'exposition nationale de 1964 veut donner au peuple suisse des raisons nouvelles de croire à la vitalité du pays et à ses possibilités dans le monde de demain. D'où sa devise, croire et créer pour la Suisse de demain. Oui, l'Expo a décidé de tenir haut la barre des promesses et rien ne devrait l'arrêter. Juché sur le petit marchepied derrière son podium, Gabriel Desplans, président du comité de l'Expo, peut donc déclarer le 30 avril 1964, jour de l'inauguration. Il y a 8 ans, le Conseil fédéral confiait au canton de Vaud et à la ville de Lausanne l'honneur d'organiser au plus tard en 1964 la 6e exposition nationale suisse. Aujourd'hui, je suis heureux et fier de vous présenter le résultat de nos travaux. Dans les délais qui nous ont été fixés, l'exposition conçue pour le peuple suisse, édifiée par un effort commun de toute la nation, est prête à recevoir les millions de visiteurs qu'elle attend. millions de visiteurs. C'est dire si, non seulement on a placé haut la barre des promesses, mais également le taux de participation. Alors, viendra ? Viendra pas ? L'inquiétude taraude forcément l'estomac de tout organisateur de manifestations, autant les politiques que les apolitiques, comme celle-ci. Apolitique, encore que. Une certaine histoire Gulliver, dont nous allons reparler aujourd'hui, nous indique combien la question politique plane au-dessus de l'édifice. 30 ans après ces péripéties, le journaliste Gaspard Lamunière et le réalisateur Bertrand Taubé rouvrent le dossier Gulliver. Et voici ce qu'ils y découvrent. Chapitre 1. Comment bien vendre une expo ? En créant de quoi s'y rendre, logique, en apparence, certes, mais pas forcément dans la réalité. Car en ces années 60, l'axe reliant Genève-Lausanne se fait par le bord du lac, et si les souhaits du conseiller des plans sont exaucés, la promesse de bouchons insensés risque de retourner un succès national en une exaspération collective. Il faut donc dérouler un étrange ruban de béton séparé par une glissière de sécurité, une première dans le pays. Grand jour pour les automobilistes suisses, l'ouverture complète de l'autoroute Genève-Lausanne. Le trafic sur la route de Suisse était limité à 2500 véhicules à l'heure, alors qu'il est de 6000 sur l'autoroute. Les vitesses élevées des voitures obligent les conducteurs à un effort de concentration. L'ouverture complète de la première autoroute de Suisse coïncide avec l'inauguration de l'exposition nationale et promet une ère nouvelle à notre réseau routier. Ainsi, le visiteur peut donc arriver à bon port et découvrir les mille et un trésors que lui ont concoctés les réalisateurs. Trésors, curiosités, bizarreries autant visuelles que sonores. Nous manquons d'infirmières. Es fehlen Schwestern. Mancano Infirmiere. Nous manquons de médecins. Es fehlen Ärzte. Mancano Medici. Depuis un moment déjà, je suis à l'arrière du submersible pour essayer de voir le spectacle de ce qui se passe de vivant sous les eaux du lac Léman. Faut-il être sincère, faut-il être objectif ou faire un peu de romantisme ? Eh bien, la vérité, c'est qu'actuellement, nous voyons de chaque côté des hublots disposés le long du mésoscaphe, nous voyons l'eau au ras des hublots, et puis il faut bien le dire, jusqu'à présent, rien d'autre. Pour tous, c'est la stupeur, la curiosité. Roger Monard fait partie de ces centaines de petits gamins qui, du bas de leurs 10 ans, regardent l'étrange monde inventé par les grands. C'était un rêve, quoi. Je pouvais pas donner d'autres impressions que « Ah !» Que le « Ah !» et puis d'en prendre plein la figure, comme j'en ai pris à 12 ans, parce que c'était beau, c'était esthétique, c'était l'expo. Mésoscaphe, machine de tinglis, monorail, tout y passe pour épater le public. L'heure est à la démonstration. L'ancien syndic de Lausanne, Georges-André Chevalat, le rappelle à Gaspard Lamunière. C'était essentiellement un état des lieux de la Suisse à l'époque, qui nous a fait, dans de nombreux domaines, industriels, scientifiques, concevoir des choses que nous n'avions pas remarquées jusqu'alors. Ça a attiré l'attention sur la force de croissance qui était en train d'animer notre pays. Une force de croissance qui forcément prend aussi sa vitalité dans les racines du pays, les racines et les herbages. Si des journalistes se déplacent dans les pâturages, ce n'est pas pour y chercher un dépaysement romantique. Ils laissent ça aux touristes. Pour l'heure, la presse s'intéresse à l'élevage, au prix du lait et autres problèmes agricoles. Ainsi, les journalistes ont passé en revue au col du Bruche les plus beaux spécimens des races bovines suisses pour lesquels les diverses sociétés d'élevage font de grands efforts pour en améliorer la qualité et la quantité. À l'exposition nationale, le public peut admirer les quatre principales races de notre gent bovine. La race brune, la tachetée du Simmental, celle du Val d'Hérens et la fribourgeoise noire et blanche. Le Bel Hubert interprète en 1991 la vache. Derrière le Bel Hubert se cache Hubert Bourquin, chanteur et humoriste suisse qui se dédie son disque Capucine en écrivant « Merci à moi » parce qu'il n'y a rien comme se dire qu'on est bête qui rend sage et inversement. Humble, drôle et tendre à la fois, le Bel Hubert est un chanteur suisse plus qu'attachant. Il y a ma vache qui est tombée d'un arbre et par terre elle s'est toute cassée. Je savais qu'elle grimpait aux arbres, mais j'ignorais qu'elle sautait, insouciante de branche en branche, dans les cimes et dans les bosquets. Comme les écureuils élégance, grâce et charme tout y était. Comme les écureuils élégance, grâce et charme tout y était. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Y'a ma vache qui est tombée d'un arbre, c'est sûr que quelqu'un l'a poussée. Sa confiance en moi se lézarde, car j'ai de la peine à trouver le coupable, l'odieux, l'infâme, le filou qui l'a fait tomber. Et parfois même elle me blâme d'être l'auteur d'un coup monté. Et parfois même elle me blâme d'être l'auteur d'un coup monté. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. J'ai pas trouvé de chaise roulante pour ma vache pour la réparer. J'ai dû lui reboucher les fentes et les os qu'elle avait cassés. J'ai pas trouvé de chaise roulante, j'ai dû lui apprendre à marcher. Avec des becs qui mêlent les pentes, lui font peur pour aller brouter. Avec des becs qui mêlent les pentes, lui font peur pour aller brouter. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Y'a ma vache qui est tombée d'une branche, sur la hanche et sur le côté. On peut dire qu'elle a eu de la chance, d'autres qu'elle se serait tuée. Y'a ma vache qui est tombée d'une branche, à ses côtés je dois passer. Tant de jours et tant de nuits blanches, j'ai peur pour ses maternités. À ses côtés tant de nuits blanches, j'ai peur pour ses maternités. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Y'a mon cul qui est tombé d'une chaise, bien sûr je l'avais mal posé. Pas le cul bien sûr mais la chaise, c'est pas la chaise qui a cassé. Y'a mon cul qui est tombé d'une chaise, j'aurais du mal à justifier. Toute une chanson pour mon derrière, si la chaise n'est pas cassée. Toute une chanson pour mon derrière, si la chaise n'est pas cassée. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Faut pas se laisser démoraliser par ce qu'il vient d'arriver. Chapitre 2. qu'en termes simples, ces choses-là sont parfois dites. La charte de l'expo est simple, claire et lumineuse. Croire et créer. Autrement dit, quelles sont les valeurs du pays ? Et sur la base de ces valeurs, comment préparer l'avenir ? C'est dans le long couloir des chalets futuristes de la Voie Suisse, placé directement sous la responsabilité de la direction de l'expo, que les hypothèses et les réponses quant à cet avenir sont proposées aux visiteurs. C'est dans cet espace qu'une drôle d'immense statue surprend, attire, sollicite et interloque. Il s'agit, vous l'avez compris, de Gulliver. Avec Gulliver, Apotello a convaincu la direction de l'expo de s'interroger sur une base simple et élémentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un Suisse ? Puis de là est partie cette idée d'une enquête en Suisse. Et je me souviens d'être arrivé en séance après avoir lu, relu Gulliver à Lilliput en disant, mais en somme, ce qu'on veut, c'est créer un Gulliver qui arrive en Suisse et qui s'interroge, qu'est-ce que c'est que cette peuplade? Donc l'idée de base est bienvenue d'Apotello en disant, on sait pas très bien ce qu'est les Suisses, ce qui serait pas bon de le définir pour qu'on puisse dire, dans la partie générale, dans l'élément présent, ben voilà, les Suisses actuellement, c'est ça. On en sait un peu plus depuis que, peu de temps avant, une première enquête a été menée, c'est au début des années 60. C'est elle qui va servir de base pour rédiger le questionnaire Gulliver. Cette enquête, truffée d'indices passionnants, troublants, parfois contradictoires, met en lumière une évidence. La Suisse traverse une période d'écartèlement et de déchirure entre montagne et vallée, et aussi entre l'homme de la rue et ses représentants politiques. Apotello étudie cette pré-enquête, on peut s'en douter non sans délectation, et découvre l'évidence constante selon laquelle la population d'un pays est par essence hétérogène. Il n'y a que la somme qui la compose qui peut se réduire en un mot, lequel sonne souvent plutôt creux, la société. C'est là que deux visions du monde vont s'affronter. Celle qui entend considérer que cette addition d'énergie d'individus est encore en sommeil, en sous-exploitation, en sous-régime, et ne demande qu'une chose, c'est avoir le jour. Et l'autre qui entend avoir apporté déjà toutes les réponses, les cadres, et n'entend pas désorganiser son système. Liliane Favre, collaboratrice de Charles Apotello. Très rapidement, on s'est rendu compte que tout ce qu'on disait n'était pas bon à dire. Et c'était tout à fait, oui, mais enfin, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? On ne peut pas dire des choses comme ça, de cette façon-là. Les gens ne comprendront pas le sens de ces questions. Il faut faire... Alors, ça finit par être... Je ne crois pas qu'ils étaient méfiants à notre égard, mais ils étaient certainement méfiants quant au sens qui pouvait sortir de ces questions. Et les deux visions vont naturellement s'affronter, l'une demandant à l'autre de corriger sa copie, d'y aller un peu plus avec le dos de la cuillère, voire avec un dos très bombé. Mais voilà, il y a dans cette histoire un troisième larron, c'est l'ordinateur. À l'Expo 64, Gulliver a à ses pieds un immense ordinateur extrêmement puissant. Et aux réponses faites par chaque visiteur au questionnaire, Gulliver envoie une petite fiche à chaque personne qui lui indique dans quelle catégorie il se range et combien se trouve déjà dans cette catégorie. Le délai d'attente pour cette petite fiche, une minute. En 64, cela équivaut pour nous aujourd'hui à acheter une résidence secondaire sur Mars pour y passer les week-ends. Les ingénieurs qui ont conçu le programme en sont encore tout émus. Pour IBM, c'était extraordinaire parce que on a pu montrer quelque chose tout à fait d'avant-garde, quelque chose, j'entends, qui travaillait en temps réel, et ça n'existait pratiquement pas. L'ordinateur étant nouveau, c'était la première fois qu'il y avait un contact citoyen-ordinateur. Ça n'existait pas. Les Aiglons, un groupe qui a donné un concert pendant l'Expo 64. Ils interprètent Stalactite, un morceau de 1963, qui a obtenu un beau succès et sera même diffusé en stéréo aux États-Unis. Vous écoutez Histoire vivante. Cette semaine, Expo 64. D'une ouverture d'esprit à une fermeture de principe, l'amnésie d'un géant nommé Gulliver. Avant l'ouverture de l'expo, on a de cesse de demander des changements au questionnaire Gulliver. Autrement dit, sans qu'il soit besoin d'être grand clerc en informatique, chaque changement de paramètre oblige à réajuster, à réaménager toute une partie de la configuration du système, un système qui, rappelons-le, n'en est encore qu'à son tout début. En langage populaire, ça s'appelle « des bâtons dans les roues » ou, si l'on préfère, « le coup de la peau de banane ». Question 1. Quel est le devoir principal de l'école ? Question 7. La démocratie, qu'est-ce que c'est ? Question 3. Que penses-tu de l'automation ? Question 10. À ton avis, est-il urgent pour la Suisse ? 1. De donner une plus large part dans les programmes scolaires à la technique et à la science ? 2. De préciser sa position face au marché commun ? 3. De réviser le principe de sa neutralité ? 4. D'adopter un plan économique à long terme ? 5. De former davantage de techniciens ? 6. D'appliquer un programme d'aménagement du territoire ? Question 4. Pourquoi se marie-t-on ? Question 8. Qu'est-ce qui changerait favorablement la condition de la femme suisse ? Question 5. Comment se manifestent les différences sociales ? Question 11. La Suisse ferait-elle bien 1. De limiter dans l'intérêt de la communauté la libre disposition du sol ? 2. D'accroître son aide aux pays en voie de développement ? 3. De créer un institut national de la recherche scientifique ? 4. De mettre le coût des études supérieures à la charge de la communauté ? 5. De coordonner sur le plan fédéral l'activité des services cantonaux de l'enseignement ? Question 9. Que faut-il avant tout sauvegarder en Suisse ? Question 6. Quelle est ton attitude face au communisme ? Question 2. À ton avis, peut-on être un bon Suisse et 1. Naturalisé 2. Ne jamais voter 3. Ne se lever qu'à 9h le matin ? Bertrand Tobé et Gaspard Lamunière ont retrouvé l'auteur de cette question malicieuse, facétieuse et fauteuse de troubles. Il s'appelle Hans Lucius Santi. Mon père, il s'énervait physiquement si, par exemple, moi je restais au lit le dimanche après 9h. Et puis c'est clair que l'idée m'est venue qu'effectivement, les Suisses, on est sérieux, on bosse, etc. C'est un péché de rester. Puis c'est comme ça. Donc c'était un tout petit peu aussi pour provoquer. C'est une question... Et puis effectivement, il y a tout de suite des résultats qui sont venus de Berne quand j'ai rencontré M. Guéguer. Mais c'est quoi comme question ? C'est une question idiote, il ne faut pas poser. Et puis j'ai tout de suite senti qu'effectivement, avec cette question, on mettait les pieds quelque part, qu'il ne fallait pas les mettre. Et ça vous a surpris, ça, parce que c'était... Non, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la... Je ne veux pas dire la violence, mais disons, la force de la réaction contre une question comme ça, parce que j'aurais pu dire, ah, mais c'est une question enfantine, il faut pas... Oui, elle est rigolo, il faut... Non, absolument pas. Elle est très, très sérieuse, cette question. Monsieur Guiguer. Monsieur Guiguer va désormais entrer en scène. Représentant spécial du Conseil fédéral, l'œil de Berne, stéréotype du fonctionnaire fédéral zélé, madré, et sourcilleux face à l'homme de théâtre qui, depuis désormais 15 ans, a mâchouillé les textes les plus provocateurs de cette période d'après-guerre et qui entend bien agiter les dogmes jaunis des vieilles sociétés. Car comble de la provocation, non seulement Apotello interroge les Helvètes, mais en plus il veut afficher les réponses sur un écran géant. C'en est trop. Il va falloir mettre de l'ordre dans la partie centrale de la voie suisse. L'expo est une fête et doit le rester. Nous verrons tout cela demain. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot et Blaise Dupaquier. Programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rocha. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Lolita, morceau osé de Jean-Pierre Husaire. Jean-Pierre Husaire, on le rencontre plus facilement au tournant d'un petit chemin de montagne ou dans l'embrasure de la porte de son atelier de peintre que dans la grisaille d'un cocktail mondain, un verre de scotch à la main. Il n'a pas de projet culturel, n'évoque pas de concept fumeux, il peint et il chante. Il est la traduction littérale et brute du mot artiste. Lolita, elle prend son bain de mousse de pain chaque matin. Lolita, chaque matin, se douche les seins devant les voisins. Lolita, fleur de son âge, au nu d'amour dans les nuages, pour que les gars se mettent à sa plage, y a son bonjour qui fait volage. Lolita, l'œil en fusain, se rousse le teint chaque matin. Lolita, chaque matin, ressort du moulin sans escarpin. Lolita, pied dans la loose, marche au bonheur sur mes pelouses. Les bourgeois se la jalousent car son bonjour la fait volage. Lolita a pris ma main, arbre ou ce chemin, un beau matin. Loli, moi, un beau matin, nos bouches en dauphin, je dis pas plus loin. Loli, moi, en mariage, j'aurai toujours son butinage, mais les gars, sur son passage, feront la cour à son corsage. Loli, moi, prendrons nos bains de mousse de pain devant les voisins. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.